suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine avec ma belle bronzée. Ne me rappelle pas, je suis pas là. Voilà, on était avec l'artiste hier soir. Ouais, avec l'artiste. Mmh. Je suis contente de l'avoir fait découvrir et j'ai eu plein de retours voilà, sur lui. C'est un truc de fou, il chante bien, il rappe bien. Voilà, quand on a mis l'ambiance, déconnecté, tout ça, franchement, c'était super. Bon, bah, on va remettre l'ambiance aussi ce soir, ouais, entre 20 et 21 sur Skyrock. Et carrément, on débute avec le morceau Mon Paradis, c'est parti ? C'est parti. Allez, coup d'envoi, ça sort le 23 juin, on est à un mois de la sortie maintenant, ouais, de Thug Wife, l'album de Kaina. Sur tes épaules, j'ai rêvé que je te serrais dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid, et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie qu'on a vu d'eau. Approchons le paradis, tout ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester fort. Papa, repose en paix, repose en paix. Dans nos rêves, je me souviens de chaque sapin de Noël. Être auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Et tu seras toujours présent dans ma mémoire. J'ai ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Le morceau qui s'appelle Mon Paradis à l'instant, Kaina Samed, ça sortira sur l'album Thug Wife dans un mois, 23 juin, pas loupé. Ouais, voilà. Et déjà en précommande. Déjà en précommande, donc avec Mon Paradis, No Money avec Soprano, Bousier aussi qu'on a balancé. Et je tiens à dire que voilà, mon Planète Rap se termine ce soir. Mmh. C'est vrai qu'il y a un mois entre aujourd'hui et le 23 juin. Mmh. En plus, on est le 23 mai. Mais restez branchés. Voilà, je vais vous envoyer des nouveautés là. Chaque semaine, il y aura de l'actu quoi. Avant la sortie, donc je suis enthousiaste, je sais tout ce qui arrive. Donc pour ceux qui me soutiennent, n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook officiel, sur Twitter, Instagram, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Mais voilà, n'hésitez pas à relayer l'info et voilà, il y a de la nouveauté qui arrive là. Bon, et ben on suivra encore, ça. Encore. On suivra ça évidemment. Et puis tu as vu comme les gens t'aiment. Ouais, comme c'est ils vrai. Te laissent des messages. C'est gentil. Tu ouais. as plein d'amour. Tu as reçu plein d'amour. Mais parce que je donne plein d'amour. Tu je suis un être d'amour. Tu as reçu de l'amour et des cookies aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu des cookies. Pour ceux qui nous voient en vidéo, j'ai un plateau de cookies de dingue. Il y a tous les choix allez possibles. Allez voir, c'est sur skyrock.fm. Ouais. On va aller voir. Et puis je voudrais remercier donc notre ami de Subway. Momo, vas-y. Il s'appelle Romain. Romain, parce mais que Momo oui. connaît toutes les cartes de chez Subway, évidemment. Mais toi, tu sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure avec Momo. J'ai le droit de le dire, Momo? Oui, bien sûr. Franchement, je suis arrivée tout à l'heure à la radio, on est arrivé un peu tôt pour répéter avec les gagnants. J'avais faim. Je sais pas comment il a deviné, tu vois. C'est, voilà, il m'a dit, mais t'as faim. Il y a un truc, ouais. Mais j'ai trop faim. Et, ouais, il m'a emmené dans un couloir secret. Il a ouvert une armoire secrète. Ouais. Ça, et là, dedans. Et là, c'est émané une petite odeur de, du bled. Et là, il m'a sorti une gamelle, un couscous. C'est maman Momo qui fait ça à la Défense. Un grand merci à la maman de Momo. Ah, ça, quand on a fait Momo, couscous, je peux dire un régal merci. Tout le monde. Et je me suis servi une assiette de couscous. Ouais, bah, moi aussi, je suis allé ici juste avant. Bah, voilà. Donc on est refait, putain, entre les couilles. Ouais, c'est, ah, peut-être voilà. que vous êtes en train de dîner aussi à la maison, donc bon appétit. Bon appétit à avec vous. Avec le son de Skyrock, avec Kaina. Ouais. Et donc, ouais, merci maman Momo, merci à Subway. Ouais, merci à tous ceux qui veulent nous faire grossir, quoi, avant voilà. les c'est bien. C'est... voilà. Allez-y, c'est bien parti. Bah, c'est cool, en tout cas, merci à ouais. tous, ouais, les messages. Ouais, je disais, ouais, beaucoup de messages. D'ailleurs, hier, on t'a piqué ton portable. Ouais, voilà. Et on a récupéré, alors on a fouillé un peu dedans, je suis désolé. Écoute, on a entendu ça. Kaina, je t'aime. Prends mon appel. Suivant. Ouais, salut Kaina, je t'ai kiffé trop, t'es ma fan, je t'aime. Allez, bisous. Coucou princesse, rappelle-moi, t'es trop forte, je kiffe trop ce que tu fais. Ciao. Salam Kaina, ça va quoi? Ben, franchement, ben, j'aime bien ce que tu fais, c'est du lourd. Ouais, Kaina, ça bête. Ouais. Depuis ton écoute, depuis ma destinée, tu peux pas contrôler ma destinée. C'est pas la peine. Moi, je vais tout plaquer. Ah ouais. Et quand j'ai vu mon pote, c'est vu pour Kaina. Ouais. Kaina. Suivant. Je m'appelle Marie. En fait, c'est bientôt l'anniversaire de ma mère et elle est fan de toi. Et j'aimerais bien lui offrir ton nouvel album dédicacé après. Je sais pas si c'est possible. Je suis un de tes plus grands fans. J'étais tranquille sur Skyrock et tout. J'ai entendu cette musique et j'ai vu que j'étais trop bien. Ouais, je te laisse. Fin de vos nouveaux messages. Voilà, bravo. Et c'est qu'un aperçu, hein, parce qu'il y en avait tellement. Il y avait des milliers de messages sur le répondeur. Bon, la messagerie est saturée, évidemment. Oh là là, je suis super bouleversée. Merci à tous. Franchement, un petit concentré. Ouais, là, vous m'avez mis la pêche pour le mois qui arrive avant ma sortie. Merci à tous, même ceux qui n'ont pas appelé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Je peux vous croiser sur les réseaux sociaux, mais aussi, voilà, dans la rue. Je sais pas, moi, chez le docteur. Voilà, les gens me témoignent beaucoup d'amour. Et j'en suis ravie. Et voilà, je suis pas prête de m'arrêter. Pour tous ceux qui s'inquiètent, il y a mon album qui arrive. Il y en aura un autre après. J'arrêterai jamais de chanter, donc tout va bien. Ouais. Mais merci en tout cas à tous. Et en plus, ils chantent et tout, tu peux pas contrôler et tout ça. Ouais, bon, ouais, mais c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte, ouais. c'était pas mal du tout. En tout cas, merci. Franchement, c'était drôle, c'est à la fin quand il dit en plus après chanter, ouais, merci mon pote. Ouais, après, il dit, fais du bruit pour Kaina, mais il est tout seul. Kaina. Ah, il défonce. Merci à tous, ouais, merci. Vraiment. Ça continue à sonner d'ailleurs. Hein. Ouais, ça sonne. Hein. Tu vas le garder ce week-end jusqu'à la sortie? Je vais le garder jusqu'à la sortie. Jusqu'à la sortie, ouais, l'album, c'est 0666. Ouais. 31 92 44. C'est ça. 06 66 31 92 44. Pour joindre Kaina jusqu'à la sortie, vous pouvez l'appeler. Voilà, envoyez des messages, des SMS, Tout. Franchement, merci beaucoup. Des photos, de tout. Tout, ouais. Allez-y. Voilà, l'album est en précommande. Et vous pouvez le précommander dès aujourd'hui. Comme ça, vous le recevrez tranquille le 23 juin. Bon, on va écouter des extraits, évidemment. Ouais, on va écouter des extraits. Là, je crois qu'on a le petit medley aussi encore à passer. Ouais, on va le passer. On pourra repasser le medley, justement, pour écouter. Voilà. Et là, je vous avais promis des sons de rap français. Mm-hmm. Donc, Lacrim, tu connais Lacrim? Bah, je le connais, ouais. On a fait Bonnie and Clyde ensemble. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il sort un album prochainement. Ouais, je suis au courant. Je sais pas la date, mais... Là, dans les mois qui, je crois que c'est en train de se... D'accord, ok. Va bouger un petit peu, je crois, mais c'est là, il faut rester prêt. Ouais, ok. Donc, Lacrim, nouveau son Corleone à découvrir, vos réactions, allez-y avec le hashtag Skyrock, dites-nous ce que vous en pensez. C'est extrait de l'album de Lacrim sur Skyrock. Lacrim. Tu fais des sous, t'as pas qu'à fou. C'est que t'es comme moi, c'est que t'es comme moi. La rue c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non, la vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, d'honneur. Petit frère, sois fier, regarde-moi. Là ouais, le jour, la veille de ma paye. Je dors pas, l'ivresse, la faim, des billets de mon repas. Ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie. Protéger la mif, tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Ça y est, des médis, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos café. Combien dans ta ville ont fini bandit? Pas 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer, ou niquer leur vie en col, mon gros. Avec la faim, je suis parti de rien, je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, n'est pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un grand loup de la tête, qui a tout niqué pour gratter sa pièce. 9-4, you know how we do. Ça braque, ça monte la drogue. Tout fait pour creuser mon trou, il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout, y'a rien dans mon assiette. Donc je prends tout au resto. La faim nous a soudés, nous a rendus plus forts. On a grandi sans un sou, adolescent, nous prenions que des larmes. Fais du mal, des humains verts, amour venu d'ailleurs. Des fils et mitrailleurs, t'es là pour toucher tous les gars. T'es là pour tout perdre, je suis qu'un parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Léon. C'est le son de la crime. Yes. Ah, ça a été un bon univers, hein, la crime aussi. Hein. Ouais, ouais, je kiffe sa voix. Il chante, il rappe aussi. Franchement, c'est mortel. J'aime bien la couleur du son. Et voilà quoi. Moi, j'aime prod, beaucoup. Cor qu'on salue également. Ouais. Et Corleone, le nom de ce morceau. Gros big up à eux. Et puis voilà, force pour l'album. Et voilà, force pour la suite. Yes. On attend la venue aussi donc de la crime prochainement dans Planète Rap pour présenter son album. Là, on est avec Kayna, un mois avant la sortie. Ouais, un mois avant la sortie. Avant le 23 juin. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as envie de dire, tiens, aux gens qui t'écoutent? Qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire autour de l'album? On a oublié la façon dont t'as bossé. Ouais, on a oublié de dire qu'il y a un autre featuring sur l'album, c'est Francisco. Mmh. Donc il m'a fait écouter plein de prod et j'en ai retenu une. Il est venu chanter son refrain. De Los Angeles. Yeah. Francisco qui chante en anglais, mais ouais. Voilà, qui est un super. Enfin voilà, lui c'est un super chanteur, c'est une machine de guerre. Donc il m'a ramené plein de sons. Et il y a un son qui m'a particulièrement parlé, qui s'appelle Né pour avancer dans l'album. Donc voilà ce que j'avais oublié de dire cette semaine. Et ce que les gens savent, c'est que voilà, je suis passionnée, chanter ça me met le smile. Et je pense qu'on le voit, on le sent, c'est mon truc. Donc voilà, l'album est lourd. C'est mon troisième projet. Mm-hmm. Il y en aura un quatrième et pourquoi pas un cinquième. Jamais 304. Voilà, exactement. Et puis voilà, il y a des concerts aussi qui vont arriver. Donc c'est pour ça que je rappelle que c'est important que pour être au courant, de me suivre. Voilà, ma page Facebook officielle, il y a beaucoup de news. Et puis restez branchés, surtout là les semaines qui arrivent, je vais vous envoyer du lourd. Bon, et ben loupez pas la sortie, en tout cas c'est le 23 juin prochain. Voilà. On va présenter les gagnants ou pas? Ouais, je vais les présenter dans un instant ou on écoute le medley peut-être avant? Alors on écoute le medley. Et après on présentera les gagnants. Le medley, c'est justement une partie des morceaux de Kayna, voilà, mixés par First Mike. Exactement, gros big up à First Mike qui a pas pu être là ce soir mais qui nous a laissé son medley et c'est ça qu'il fallait faire. Et ben on l'écoute tout de suite sur Skyrock. Kayna. Il avait les mots, j'étais sous le charme, à deux sous le préau, préau, préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme, il était mon héros, héros, héros. J'ai masqué les bleus, sous le mascara, je suis tombé de très haut, très haut, très haut. Vivre mort sous les coups d'un homme est un fléau, fléau, fléau. Bousillé, bousillé, bousillé, il m'a bousillé. Bousillé, bousillé, bousillé, il m'a bousillé. Tu rentres tard le soir, tes potes passent avant moi, t'es incapable de me parler. Super. Et toi tu fais ta life, et moi j'ai laissé aller. Super. J'ai dû faire avec tes défauts, mais je ne vais plus chialer. C'est plus ok, honnête, froide, glacée par les regrets. Ce temps était si long et j'ai presque failli perdre la vie. Toi, tu es comme un secret. Ne partage pas ta nécessité, mon cœur, t'es malade. Thug wife. Hey. Tu fais tout en fait, tu vas même faire les effets. T'as vu ça? Le Planète Rap avec Kaina, le medley extrait de l'album Thug Wife qui arrive dans un mois, le 23 juin. Yes. Prochain, et Kaina est là avec nous, mais pas toute seule ce soir. Ouais. Puisque tu as lancé un concours. Yes. Rappelle-nous l'idée de ce concours que tu as lancé lundi. Alors, l'idée de ce concours, c'était d'envoyer la vidéo de vous en chantant mon titre Mon Paradis. Donc, j'ai reçu plein de vidéos et j'ai sélectionné les trois personnes qui sont présentes ce soir. Donc, on va chanter ensemble tout à l'heure. Et ben voilà, ils sont là, on dit un petit mot, on les présente. Ouais, avec plaisir. Donc, on est galant. Ben voilà, on est galant. Mmh. Donc, il y a Linda qui est là. Ouais. Tu peux dire bonsoir. Ça va, Linda? Ça va, et toi? En pleine forme? Ça va. Tu viens d'où, Linda? D'Argenteuil, dans 95. Alors, on va bien prendre le micro pour entendre ta belle voix, Linda. Ok. Donc, toi, t'as entendu le concours, tu t'es dit, c'est pour moi, j'y vais tout de suite. Du tout, en fait, c'est une fille de mon quartier qui m'a envoyé le lien qu'elle a publié sur Facebook. puis du coup j'arrivais pas à envoyer la vidéo, je l'ai fait à la dernière minute et voilà. Alors et voilà. Pour la petite histoire, elle est dans sa salle de bain, tu peux le dire, non? Ah oui, parce que là tu m'as fait version genre arrangée. Ah ouais. Sinon, donc non, tu es dans la salle de bain. Non, mais parce que... avec un grand chignon à l'arrache totale. À l'arrache totale. Mais une voice, tu vois. Elle était, franchement, c'était. C'était... Les vidéos, tu les as pas mises, on peut pas les mater, les vidéos. Non, mais on peut. Heureusement. Non, alors, c'est bon, on va pas le faire. Non, tu, voilà. Tu veux pas qu'on mette? Non. Non, non. T'es sûr de... Non, c'était. Donc c'était tu chantes parfait. Dans ta salle de bain avec le chignon. Mais elle chante voilà. Mortelle, voilà. Et de toute façon, mortelle. On aura l'occasion d'écouter tout à l'heure. Donc, mais Linda coup, d'Argenteuil. Ouais, voilà. Bienvenue, Linda. Merci. Donc, la deuxième personne, c'est Chris qui est là. Là, tu, on n'est pas galant, tu vois. Ah, on n'est pas tu... galant. Non, mais c'est bon, t'as présenté Chris, c'est bon, non, vas-y, c'est vas-y. Pour faire, c'est pour faire une fille, un garçon, une fille. Ouais, t'es en sandwich, Chris. Non, non, vas-y, vas-y, on te vas-y. Okay. Ça va bien, Chris? Ça va, merci, toi. Bah écoute, bienvenue. Donc, alors, Chris, vous voulez nous dire un mot? Alors, peut-être. Chris, bah pareil. J'ai... Avec un chignon. Non, non, non, mais je l'ai, j'ai entendu sa voix, j'ai kiffé. Il a fait sa petite mélodie perso, tu vois, il s'est approprié la chanson, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, c'était de la récitation, mais en même temps, c'est normal, le morceau venait de sortir. Et il y en a d'autres comme ceux qui sont là qui le vivaient, qui l'ont interprété. Voilà, ouais. Qui l'ont interprété, voilà. Et il a une super voix, donc je vais laisser présenter. Tu viens d'où toi, Chris? Alors je viens de Vélizy dans le 78. Mmh. Et bah comme Linda, le concours je l'ai vraiment fait à la dernière minute. Il était quoi? Il était 2h du matin. Ouais. J'ai chanté, j'ai appris et puis j'ai balancé ça. Et franchement, c'est avec plaisir. Et je remercie Kaina Samet de m'avoir sélectionné, franchement. Et tu chantes généralement, t'as sorti des choses? J'aurais pu te demander aussi à toi, Linda, mais je vais revenir. Mais t'as sorti des choses? On peut t'écouter sur le net? Je suis en préparation, justement. J'ai sorti des covers sur YouTube. Donc vous pouvez checker ça sur ma page Facebook, sur Twitter, Instagram. Chris Camalon. Et là, Chris Camalon. Chris Camalon, ouais. Pour trouver. Avec un L et pas un R. D'accord. C'est répondu. Et ouais. Et on va bientôt balancer des sons originaux. Donc ça va arriver vite. Soyez présents. Eh ben, soyez présents. Non, je disais, toi, tu chantes aussi, t'as balancé. Oui, oui, pareil. Moi, mais moi, c'est plutôt des freestyles, des reprises sur YouTube. Je me fais un peu rare quand même, je m'expose pas trop. Tu as raison. Reste dans la salle de bain. Je préfère. Vas-y, calmement. Je préfère surgir. Vraiment comme Là, t'es en train de surgir, là, je vois ça. Donc, Linda, il faut cliquer quoi quand même? Lina Mayhem, c'est mon nom de scène. Lina Mayhem. Emma. M-A-H-Y-E-M. Je laisserai sur mon Facebook. Tu mettras tous les liens. Ouais, le nom des gagnants avec leurs liens des réseaux sociaux. Et puis la dernière. Et puis la dernière, c'est Amandine. Bonsoir. Ça va, Amandine? Ça va, merci. Bah écoute, bienvenue. Donc toi, pareil, petite histoire autour de ce morceau. T'as entendu, on t'a envoyé un lien. Ouais, voilà. À la dernière minute, il était 2h du mat dans ta salle non, de bain. Non, pas du tout. Un truc comme ça, non? Non, moi je suis Kaina depuis très longtemps. J'adore ce qu'elle fait. Et voilà, c'était l'occasion de pouvoir chanter un petit peu avec elle. Vous l'aviez rencontrée déjà un peu? Je vous pose la question à tous les trois. Vous étiez déjà croisés avec Kaina? Non, absolument jamais. On s'est croisés avec Amandine. Amandine? Ouais. Voilà. Bah ça peut arriver. Mais carrément, non, mais parce qu'elle est là depuis longtemps, elle me soutient et tout ça. Et donc, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui sont rentrés dans le studio. Ah bah oui, il y a tout le monde, ça va bien. Parce que si vous rentrez dans le studio, il faut montrer que vous êtes vraiment là. Ah oui. Vous êtes vraiment là? On est là! Ah, bon. Ils sont là. Voilà, ok. Donc, Amandine. Voilà. Et Amandine, toi aussi, pareil, on peut te suivre, on peut te retrouver sur le net, il y a des vidéos, il y a des choses. Un petit peu sur YouTube, mais sans plus. Faut taper quoi, Amandine? Bah, on va tomber sur Amandine du 38. Amandine 51. Voilà. Amandine, toi, c'est 51. Amandine du 51. Voilà. C'est un autre genre, Amandine du 38. En tout cas, voilà, moi, le peu de fois où on m'a donné ma chance, ça m'a toujours un peu plus donné confiance en moi. C'était et ça... quand, toi? Quand est-ce que t'as un souvenir comme ça, un jour, on dit fait une scène ou bien sûr. Un jour, il y a Kenaton qui m'a appelé chez ma mère, qui m'a dit j'ai écouté un vinyle de toi. Enfin voilà, moi, je courais les Tu connaissais pas chant. Du tout? Pas du tout. Allô, c'est chill. Je suis tombé par terre. Ouais, c'est une blague, connard. Ouais, grave, limite. Mais c'est bon, tu limites bien, mais c'est pas lui, quoi. Ouais. Non, mais voilà, c'est important de. Enfin, moi, je suis généreuse d'une manière générale, mais en toute humilité. C'est comme ça que je suis. Donc ça me fait plaisir de pouvoir chanter avec des gens qui ont du talent, de les mettre en avant, de leur donner confiance. Et voilà, la route est longue, mais faut s'accrocher à ses rêves. Moi, je suis une rêveuse. Voilà. En tout cas, ils sont jeunes, donc c'est ouais, plutôt, c'est cool. C'est plutôt bien. Carrément, ils ont une super bonne énergie. Ben, on écoutera ça tout à l'heure, en tout cas. Dans un instant, on va faire ça. Je vous avais promis aussi le son de Niro, rap français après celui de Lacrime. Niro s'appelle Je prends sur moi. Il viendra bientôt, d'ailleurs, à ta place dans Planète Rap. Okay. C'est dans 15 jours, je crois, entre 20 et 21. Je prends sur moi juste après la pub. Bougez pas et on revient aussi avec du son de Kaina Samet. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Niro à l'instant. Je prends sur moi, l'album Miraculé arrive le 2 juin prochain et on le découvrira à l'instant sur Skyrock. C'est pas mal, il y a du bon rap français en ce moment, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Plein de nouveaux trucs qui arrivent. Yes. Donc à l'instant, Niro, tout à l'heure le son de la crème et Kaina aussi qui arrive le 23 juin. Le 23 juin, c'est mon album Thug Wife. Il est déjà en précommande avec trois titres déjà dispo. Mon Paradis, qu'on a joué tout à l'heure. No Money avec Soprano aussi, à qui je fais un gros gros bisou. Et Tilali Laloum. Et Tilali Laloum qui est en featuring. Et Bousillé. Et Bousillé, bien sûr. Et Bousillé. Bousillé, d'ailleurs, on va l'écouter maintenant, ouais. Je crois, puisque juste après, on fera le live. Exactement. Avec les gagnants. Il y a aussi un. Il y a aussi un truc important que acoustique. J'ai annoncé. Ouais, c'est vrai, il y a un acoustique aussi tout à l'heure. Il se passe plein de choses ce soir, on est débordés. Donc c'est quoi le truc important? Le truc super méga hyper important, c'est que lundi, à midi. Ah. Et je sors le clip de Bousillé. On a été régalé pendant deux lundis de suite. Lundi, tu as sorti le. Mais tous les lundis, vous allez vous. Tous les lundis, il va y avoir. Ben écoute, le Kaina Time. Le Kaina Time. Rendez-vous à midi sur ma chaîne YouTube officielle. Et voilà, de toute façon, je fais confiance aux soldats pour faire tourner. Mais le clip de Bousillé, franchement, je suis super contente de l'avoir mis à l'image. C'est un morceau dur, c'est un morceau fort. Donc les images sont à la hauteur du titre. Donc je donne rendez-vous à tous ceux qui me soutiennent lundi à midi pour le clip de Bousillé. Yeah. Yeah. Et ben justement, nous on a le son en attendant les images. Allez, go. Et on l'écoute maintenant. Bousillé. Juste après, il y a le live. Ça commencera par C'était une belle journée de soleil. Ouais. On marchait sur la promenade des Anglais. Ben ouais. Et vous le ferez en live dans quelques minutes. Exactement. Allez, c'est parti. Yes. L'album, c'est Thug Wife et Bousillé. Kaina Summit sur Sky. Yeah. Il avait les mots, j'étais sous le charme. À deux sous le préau, préau, préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme. Il était mon héros, héros, héros. J'ai masqué les bleus sous le mascara. J'suis tombée de très haut, très haut, très haut. Vivre sous les coups d'un homme est un fléau, fléau, fléau. Bousillé, bousillé, bousillé. M'a bousillé, m'a bousillé. Toute seule, j'ai déjà trop souffert. C'était fou de partir. Oh, aujourd'hui je l'ai. Thug Wife, Thug Wife. C'était lui ou moi. Bousillé, il m'a bousillé. C'était lui ou moi. Je vous laissais trop tard. C'est pas mon Roméo, méo, méo. J'ai perdu du poids. De peine à voir, de moral à zéro, zéro, zéro. J'aurais pu m'enfuir, mais j'ai fait le choix de ranger mon ego, ego, ego. Vivre sous les coups d'un homme est un fléau, fléau, fléau. Bousillé, yeah. M'a bousillé. Qu'un jour il en vienne à me tuer. Bousillé, bousillé, bousillé. Il me bousillé, bousillé, bousillé, bousillé. Il me bousillé. Thug Wife, Kaina Summit est sur Sky. L'album c'est Thug Wife. Thug Wife, Kaina Summit est sur Sky. Bousillé à l'instant, Kaina. Kaina, et le clip arrive lundi. Oh là là, j'ai midi. Le track. Ouais, lundi midi. Bousillé. Ouais, c'est très important pour moi. Donc lundi midi, vous retrouvez le clip de Bousillé sur ma chaîne YouTube officielle. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Et ben on loupera pas ça, on loupera pas les images de, du clip de Kaina. Et puis l'album sort le 23 juin, donc ça c'est vrai, on loupera pas non plus. Voilà, toutes les semaines, je vais vous envoyer. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de surprises qui arrivent. Le meilleur c'est maintenant. Et puis les changements, on me rappelle quelque chose. tout de suite sur Skyrock, il est grand temps de passer maintenant le concours. Tu l'as lancé lundi, il fallait reprendre et t'envoyer la vidéo du couplet et refrain du morceau Mon Paradis. Ouais. Les gagnants ont été choisis hier par toi. Ouais. Tu as tout écouté. Amandine est déjà là au micro. Linda vient donc nous rejoindre. Où est Chris ? Il est là. Ah, il est là, je le vois. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place, c'est l'heure du live exprimez-vous, maintenant. Exprimez-vous. Exprimez-vous, chantez. On est prêts ? Écoute. On est. Ah, Linda, qu'est-ce qui va pas ? Je sens que t'es pas contente. Ça va bien. T'es sûr ? Tu me dis, hein ? Eh ben on y va, c'est parti, c'est l'heure du live maintenant dans Planète Rap avec les gagnants du concours de Kaina autour du morceau Mon Paradis. Vous allez l'interpréter tous ensemble. Moi, je vais découvrir aussi, j'ai pas vu les répètes, donc on va tous découvrir ça maintenant. Eh ben écoute, avec plaisir. C'est parti ? Yes, c'est parti. 3, 2, 1, musique. C'était une belle journée de soleil. On marchait sur la promenade des Anglais. Petite fille, je courais sauter dans tes bras. À la sortie de l'école, dans mon rêve, j'écoutais les poèmes. Je me voyais te les chuchoter à l'oreille. Et je pensais pouvoir toucher les étoiles. Là-haut sur tes épaules, je rêvais que je te serrais dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Il me dit on sait la vie, on a vu d'autres. Un beau jour le paradis t'ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester fort. Papa, repose en paix, repose en paix. Notre histoire est cachée dans nos rêves. Je me souviens de chaque sapin de Noël. Être auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Tu seras toujours présent dans ma mémoire. J'ai ta voix qui résonne. Reste auprès de moi. Reste auprès de moi. Reste auprès de moi. J'ai ta voix qui résonne. Serré dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix. Repose en paix. Il me dit on fait la vie, t'en as vu d'autres. Un beau jour le paradis t'ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester fort. Papa, repose en paix. Repose en paix. Reste auprès de moi. Reste auprès de moi. Reste auprès de moi. J'ai ta voix qui résonne. Reste auprès de moi. Reste auprès de moi. Reste auprès de moi. J'ai ta voix qui résonne. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Et me dire la vie, t'en as vu d'autres. Un beau jour le paradis t'ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester fort. Papa, repose en paix. Bravo, c'est tu, hein? Ouais, je suis content. Bravo Linda, bravo Chris, bravo Linda, Amandine, bravo, ouais. Bravo à vous trois, bravo à vous quatre. T'as vu, il y a des belles voix. Hein. C'est magnifique. Je suis juste déçu, vous m'avez même pas invité. Oh, Momo aussi voulait venir. J'étais prêt à featurer avec Momo. Vous êtes trop dans le futur. Ouais, c'est vrai. Encore. Ouais, on est très loin. Nous, on est dans le présent, tu vois. Ah ouais, c'est bien. C'est bien d'y être de temps en temps aussi. Ouais, grave. C'est bien d'avoir les pieds sur terre. Et en tout cas, bravo, bravo à vous. Merci. Et bah, une fois de plus, on peut les applaudir. Bravo, ouais, parce que cette reprise était. Je ne l'ai pas répété beaucoup en plus. Non, franchement, des fois tout à l'heure, histoire de se répartir un peu les parties. Mais voilà quoi, pro et tout. Mais de toute façon, on va se revoir, on va se recroiser et puis voilà. Mmh. Okay. Bon, et bah Linda, on te suivra. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous. Chris, on te suit déjà. C'est Chris. Comment rappelle-nous le nom? Camalon. C-A-M-A-L-O-N. Pareil, on va les suivre. Allez suivre Chris Camalon. Il y a plein de messages. Waouh. Ouais, il y a des messages. C'est pour vous qui arrivent. C'est juste parfait. Bravo les amis. Mortel. Et Amandine, pareil. Merci aussi Amandine. Merci à vous. On ira suivre Amandine du 51. C'est ça. Yes. Qui est avec nous ce soir. Bon, c'est pas fini pour le live. C'est pas fini. Je crois que tu as un autre invité là cette fois-ci. J'ai un autre invité. Tu l'as casté pareil en vidéo. Non. T'as demandé à des guitaristes. Non, c'est mon ami Stéphane, guitariste, ouais, qui me fait l'honneur d'être avec moi ce soir. Et je vais interpréter en fait Kingston en live. Ça, Steph? Tout va bien? Super. Et ben, version acoustique de Kingston, un morceau qu'on a découvert cette semaine. Yes. Ouais, on l'a découvert mercredi, me semble. C'est quand vous voulez. Ok. Go. Déplacer les montagnes, toujours être fort. Sur la boussole de mon destin, j'ai failli perdre le nord. J'ai retrouvé le sourire en fouillant dans mes poches. J'ai vu le monde changer d'époque et de fusil d'épaule. Dans mon paradis, je m'imagine un palais. Une autre vie qui m'enlèverait l'envie de m'en aller. J'ai choisi de tout dire et d'assumer mes fautes. Les coups du sort m'ont fait grandir, j'ai trop courbé le dos. Mais ça c'est fini, fini, fini, fini, fini, fini. Tout ça c'est fini, fini, fini de faire l'effort. Tout ça c'est fini, fini, fini, fini, fini, fini. Tout ça c'est fini, fini, fini de faire l'effort. Oh, oh, j'ai rêvé d'être libre et de claquer la porte et pouvoir faire le vide et crier haut et fort. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Renvoyé de mon taf, j'ai quitté mon poste. J'ai pas envie de faire la gueule ou de gifler mon poste. J'ai décidé d'arrêter de pleurer sur mon sort, d'envoyer tout balader. Ouais, j'ai même coupé mon phare. M'évader d'ici, partir sur un voilier, payer mes dettes et rayer mon nom de la boîte aux lettres. Je n'ai qu'une seule envie, représenter les nôtres. Alors je donne de ma personne pour faire chanter les mots. Mais ça c'est fini, fini, fini, fini, fini, fini. Tout ça c'est fini, fini, fini de faire l'effort. Tout ça c'est fini, fini, fini, fini, fini, fini. Tout ça c'est fini, fini, fini de faire l'effort. Oh, oh, oh. J'ai rêvé d'être libre et de claquer la porte. Hey, pouvoir faire le vide et crier haut et fort. Yeah, yeah. C'est fini, fini, tout ça c'est fini. C'est fini, fini, tout ça c'est fini. Kingston en live avec Kaina Samet, c'est extrait de l'album, vous le retrouverez ce morceau, pas la version acoustique mais le morceau, ouais, qu'on a passé dans la semaine. On a passé dans la semaine. Sur l'album Thug Wife, merci à Stéphane. Merci Steph Stéphane, aussi, merci beaucoup. Qui est à la guitare. Écoute, ouais, c'est toujours un plaisir pour moi de chanter en live, donc je suis contente, c'est cool. Et bah moi aussi je suis content d'ailleurs pour fêter ce côté content et fêter cette fin de planète rap. Ouais. Un morceau qui rend tout le monde content, c'est celui qu'on a balancé hier. Il était une hystérie totale. Ouais, déconnecté. Déconnecté. Allez, déconnecté pour finir. besoin d'air. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai Kaina besoin sur d'air. Sky. Couper mon hey. Fun et me barrer tout le Thug wife. Pour moi je veux voir mes visages briller et voir mes potos qui fait l'odeur de la viande grillée. J'écouterai du Vicky, du Topaz, mon ambiance, yeah. Posé au bord d'une piscine, je serai la belle camionne. Eh, big up à l'artiste. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil. Je fais de la langue, ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la. Eh, l'artiste, je désactive mes comptes, Tariq, Rimka, Hamida. J'efface mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'Audi. Je vis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. J'écouterai du Vicky, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, tu es avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais de la langue. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive hey, Fred, t'es pas là toi, tu casses. Je suis parti, je suis loin là. Hey. Le téléphone fait que sonner. Désolé, je suis pas là. Et gros amour, tu vas parler. Pourtant ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je me tire d'ici, je vais kiffer. Je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, tu es avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais de la langue. Ne m'appelle pas. Déconnecté. L'artiste Rimka sur le projet de DJ Hamida. À la Bien Mix Party qui sort le 2 juin. Le 2 juin dans les bacs. Le morceau est dispo. On déjà. Peut y aller, on peut cliquer maintenant. Ouais, on peut cliquer. Et la voir. On peut aller voir le clip aussi qui est dispo. Et le projet de Hamida il sort le 2 juin. Donc voilà, lourd, c'est pour cet été, tranquille, on va s'ambiancer, le soleil revient. C'est donc, bon, ça va être terrible. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de soleil, de vacances, d'été, je suis sûr que ta ville te manque. Oui, ma ville ta me ville manque. Ta ville te manque. Comment tu sais? Tu veux qu'on aille faire un tour? Pourquoi pas? Eh ben maintenant, tiens, avec la roulette. Ok. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Nous partons à Nice. Ouais. Ismaël de Nice, comment ça va Ismaël? Ça va, impeccable, impeccable. Alors donne des nouvelles de Nice parce que Kaina n'en ouais, peut plus. Ouais, j'en peux plus, dis-moi. Alors ah, franchement. Non, me dis pas. Un soleil de fou. Ah. C'est cool. Et avec ton sang, franchement, nickel. Ah, ça fait et plaisir. Tu devrais chanter ici, t'as vu? Ah, bientôt, bientôt. Bah, hein, bientôt. J'espère. Hein. Ouais, ouais, il y a des concerts qui arrivent là, bientôt. C'est ah, gentil bah, en tout cas. Nickel. Bon, tout va bien, Ismaël? Ça va, impeccable, hein, impeccable. Tu es prêt à faire tourner la roulette? Ah, je suis prêt là, chaud bouillant. Allez, chaud bouillant, Ismaël du côté de Nice. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, Ismaël. Bah, en même temps, c'est la région ciné en ce moment, avec Cannes pas très loin. Toi, tu vas aller voir Godzilla, le film événement. C'est 1, 2, 3, 4 places pour toi, Ismaël. Ah, bah, c'est nickel, merci beaucoup. Merci, allez. Merci. Et est-ce bah, que c'est... je peux passer une petite dédicace? Bien sûr. Merci. Alors déjà, je voudrais dédicacer ma femme et mon fils, et Karim, H, Greg, Jordan... Mourad et aussi mon entreprise, j'ai une pizzeria qui s'appelle 1-2-3 Pizza, Place Saint-Sylvestre. Alors Place Saint-Sylvestre. Voilà. Mais carrément, ouais. J'étais à l'école Saint-Sylvestre. Ah oui. En élémentaire, ouais. Et bah écoute, tu pourras maintenant passer chercher une pizza chez 1-2-3 Pizza. Avec voilà, plaisir, Ismaël, on passera. C'est les plus bonnes pizzas. 1, 2, 3 pizzas. Avec plaisir. Et bah écoute, et bah voilà, on te souhaite beaucoup de succès en tout cas. Voilà, pour 1, 2, 3 pizzas, on attend la suite, 4, 5, 6. Et franchement, je voulais remercier, Kaina pour son planète rap. J'ai suivi toute la semaine, franchement bien. Bien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Sincèrement, bien, ça part dans tous les sens, c'est varié, c'est nickel. Bonne et t'auras peut-être l'occasion de la croiser sur Nice. Mais carrément, mais je vais, ouais, j'irai faire un tour. Avec plaisir. Un de ces quatre, elle viendra chercher ses bonnes petites pizzas. Un de ces quatre, ouais. Merci beaucoup à vous, en tout cas. À plus, Ismaël. Merci beaucoup, bonne continuation. Ah, bah, il y a du monde derrière. Tiens, gros bisous, Nice. Si c'est pizza YOLO qui hurle derrière. C'est rassurant. Vous m'avez fait plaisir là, c'est cool. Bon, merci pour tout, Kaina. Merci à toi. Beaucoup de bonheur, beaucoup de succès avec cet album, c'est dans un mois. Merci. C'est le 23 juin, ça s'appelle Thug Wife. Voilà, restez branchés. On rappelle que lundi à midi, oui, le clip de Bousillé qui sort. Et que jusqu'à la sortie de l'album, il y a plein de surprises qui arrivent. Donc voilà, je n'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre. Et ben merci à vous tous ceux qui étaient là chaque soir. Merci à vous tous. Bravo à vous, ceux qui étaient là à la radio, qui ont écouté partout. Voilà, les Kaina Soldiers, la brigade Kaina Samet, ah oui, c'est moi. Tous les gens qui sont là. Ouais. Moi, je voulais remercier aussi de mon côté Adèle et ses potes qui étaient là, les Marseillais qui étaient là toute la semaine avec nous. Gros bisous, Adèle. T'inquiète, j'oublie pas. Asmaïl, Hanen et l'association Éveille ton art, où je donne des cours d'atelier d'écriture à Nice. Donc c'est cool, un gros big up à eux. Gros bisous à maman, à Karima, à Inès, à Mélissa et voilà, à tous ceux que j'aime. Et voilà, la vie n'est qu'amour, donc vous prenez pas la tête. En attendant, il y a Thug Wife, c'est le 23 juin. Merci à tous pour votre accueil, merci à Sky, merci Fredo, merci tous ceux qui sont là. Et ben merci à vous, merci encore une fois de plus à Amandine, à Chris qui était là, à Linda qui était là, merci à l'équipe 609 avec Karim Nabil. Bah Karim Nabil, grosse dédicace à eux. Ouais, merci Fab, les deux Fab. Toute l'équipe. Et on va retrouver D-Fool maintenant. Et oui, on est là. Et avec un dégonflé. Oui, mais tu as vu, Romano, il s'est dégonflé. Romano, il devait venir chanter ce soir. Il s'est dégonflé. C'est pas grave, hein. Franchement, où il est déjà. Je lui en veux pas du tout. Elle est même soulagée, Kaina. D'ailleurs, je propose qu'on vote pour Cédric pour une fois. Ah, c'est gentil, ma gueule. Cédric. Merci Kaina, merci la team derrière. Je t'en prie, c'est un plaisir. Bon, maintenant faut que tu gagnes, hein, ce qui est pas. Ouais, t'inquiète pas. Non, c'est pas, oui. Ce soir, méthode fête des voisins pour le clash. Ah, ouais, ça va. Ah, oui, ils ont la fête même des méthode voisins. Ce soir. Ouais, j'ai pas mes voisins là. Non, c'est. Ouais, bon. Moi, ils ont fait à 14h dans mon immeuble, je sais pas pourquoi. Je te jure, ils ont mis une affiche en disant nous, c'est samedi à 14h. Ils se sont bourrés la gueule à 14h. L'apéro commence tôt. Marie, c'est un bon week-end. Samedi, c'est demain, Marie. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai dit, ils sont bourrés la gueule à 14h. Non, c'est demain. Samedi, c'est demain. Ah merde, je croyais que c'était aujourd'hui. Marie, elle s'est bourrée la gueule avant de venir. Moi, j'atterris, moi. Ouais, fête des voisins, c'est tous les jours, hein, Marie. Ah, voilà, c'est clair. Ça. Ah bah putain, ça promet pour ce soir. Ça promet. Kaina, on te fait un gros bisou. Merci du full. On t'oublie pas lundi. À vous tous. Gros bisous à Cédric. Yes. Bah gros bisous à toi, Kaina. Ouais, gros bisous à toi. C'est gentil, merci. Merci pour cette semaine. Semaine prochaine dans Planète Rap. Semaine prochaine, ce sera un collectif nombreux, c'est l'Entourage. Ah, l'Entourage qui débarque. Qui débarque avec Jeunes Entrepreneurs, c'est le nom de l'album qu'on pourra découvrir dès lundi. Et ben on sera là, 20h, 21h, avant 20h ça démarre et ça dure jusqu'à 21h tous les soirs, Planète Rap avec l'Entourage. Et tout à l'heure, la nocturne de Planète Rap avec aussi, toi Fredo, le grand retour. Avec L.I.M. qui sera là. Ah, L.I.M. le retour. Pour la sortie de Violence Urbaine 4. Et ben sans vous dire que ça devrait être pas mal. Ça va être du lourd. Violence Urbaine 4 à découvrir tout à l'heure entre minuit, enfin après minuit, juste après minuit. Ouais. Et pendant 2 heures, c'est la nocturne de Planète Rap tous les vendredis soirs. Exact. Et ben, vendredi soir qu'on va passer ensemble jusqu'à minuit en direct sur Skyrock. Gros bisous, Kaina, encore. Gros bisous, hein. Plein. Merci beaucoup. Hein, bon retour. Wife, c'est le 23 juin. Bon retour à la maison. Merci. Ah ouais, sous le soleil, il fait beau en ce moment. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. On va aller bronzer, on va aller faire la tiroitaine. Et nous, on est là, jusqu'à midi. C'est parti, et on démarre avec Maska. Maska, dans un instant, yes. vous tous en direct et toute l'équipe qui débarque, bien sûr, jusqu'à minuit sur Skyrock. C'est parti. Ciao.